Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question d'un membre de la communauté Esprit Gagnant: comment choisir la ville où investir? Démarrer cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, en dessous ou au-dessus. Je me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et donc, répondre à cette question: comment choisir la ville où investir? C'est une question que tu t'es sûrement déjà posée ou que tu te poses encore. Derrière cette question, pour moi, la question intrinsèque, c'est: faut-il investir près de chez soi ou loin de chez soi? Là-dessus, on n'est pas tous égaux. Si tu habites en plein centre de Paris, tu auras du mal à investir à 500 mètres de chez toi. Clairement, tu auras du mal à faire de la rentabilité. Maintenant, si tu investis à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, peut-être que tu peux plus facilement avoir une certaine rentabilité. Donc, la question numéro une à se poser quand on veut choisir la ville, c'est: est-ce qu'on choisit d'investir proche de chez soi ou loin de chez soi? Donc, je vais répondre déjà à cette première question. Pour moi, dans tes premiers investissements immobiliers, il faut que tu les fasses de manière tranquille, de manière sereine. Tu vas avoir beaucoup de travail à faire, beaucoup de visites, potentiellement beaucoup d'offres, tu vas avoir des rejets. Donc, je te conseille quand même d'essayer d'investir près de chez toi. Et si tu habites en Île-de-France, puisqu'on me pose beaucoup la question, moi j'ai investi en Île-de-France, et on me demande comment tu as fait Damien pour investir en Île-de-France, pour arriver à dégager du cash flow, c'est possible, c'est juste un peu plus dur qu'ailleurs, mais c'est possible. Maintenant, si tu investis à 2 ou 3 heures de chez toi, imaginons que tu sois dans une négociation. Tu vas lâcher l'affaire à 5 000 euros près, parce que tu diras: bon, j'en ai marre de faire des allers-retours, de passer tous mes week-ends à faire 4 heures de train ou 4 heures de voiture pour aller faire des visites. Tu vas lâcher l'affaire à 5 ou 10 000 euros de négociation et du coup, ton bien risque d'être moins rentable. Tu investis près de chez toi, tu vas moins lâcher l'affaire. Tu vas faire une négociation plus proche de la réalité. Tu te seras mis 100 000 euros, tu ne te dépasseras pas parce que tu sais que le week-end d'après, tu peux y retourner. C'est juste à 20 minutes, à une demi-heure de chez toi et tu peux refaire des visites. Donc, ce que tu vas perdre d'un côté, tu vas le regagner de l'autre. Donc, mon conseil numéro 1, c'est d'investir proche de chez soi, en tout cas pour les 2-3 premiers biens. Tu as 2-3 biens, tu es rentable, tu dégages un petit cash flow intéressant sur ces biens-là. Tu n'es pas peut-être encore millionnaire, mais tu dégages un cash flow intéressant. Tu vas commencer potentiellement à pouvoir aller investir un peu plus loin de chez toi, parce que tu seras fait la main, parce que tu auras appris à poser rapidement les questions et à faire un diagnostic rapide pour savoir si un bien était rentable, si c'était négociable. Tu vas pouvoir te faire ton réseau avec des chasseurs d'appartements dans des régions différentes, etc. Donc, d'abord, on investit proche de chez soi pour le premier bien, les deux, trois aussi, premier bien. Et ensuite, on peut commencer à aller investir un peu plus loin en essayant de trouver une zone ou deux zones. Je ne te conseille pas, c'est mon point de vue, je ne te conseille pas d'aller chercher cinq chasseurs d'appartements à cinq endroits différents de la France. Hein, comme je le dis souvent, essaye d'être focus. Parce que même si tu es un chasseur d'appartements, c'est quand même intéressant de connaître un minimum l'endroit où tu vas investir. Il y a un dernier point par rapport à ça, c'est essaye de concentrer tes biens dans des endroits qui sont assez proches dans un premier temps. Alors, il y en a qui vont te dire: non, moi j'investis en Alsace, ensuite j'investis en Bretagne et puis dans le sud. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je te donne mon conseil. Essaye d'investir dans des endroits qui sont assez proches parce que du coup, quand tu vas te déplacer, tu pourras plus facilement aller visiter l'ensemble de ton parc immobilier. On parle bien évidemment là-dedans d'avoir 5, 10 biens. Hein, si tu as un ou deux biens, investis où tu veux. De toute façon, ce n'est pas très compliqué à gérer quand tu as un ou deux biens. Mais ce n'est pas la stratégie que je veux mettre en place avec les gens qui me suivent. Donc si tu me connais, tu sais bien que moi, ce que je veux, c'est que tu passes à l'action et que tu fasses 1, 2, 3 biens rentables, sécurisés, pour ne pas avoir une casserole en fait et que tu puisses continuer à faire des investissements immobiliers. Et comme je dis souvent, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si tu fais des mauvais investissements au début, ça va te suivre pendant des années et tu ne pourras pas accélérer. Donc les premiers investissements, on les fait proche de chez soi, on assure, on contrôle son risque. Peut-être qu'on gagne un peu moins, selon où on est. Mais en tout cas, on gère bien le truc. On les fait du coup peut-être un peu plus vite aussi, parce qu'on a plus de temps pour aller visiter. Et dès qu'on s'est bien fait la main, on a fait confiance, on a montré à la banque qu'on savait investir, qu'on dégage un petit peu de cash flow au moins. Là, on peut aller. Et qu'on a peut-être développé son réseau parce qu'on a fait des formations, parce qu'on a intégré des masterminds, parce qu'on fait des séminaires. Du coup, on a pu discuter avec des gens, on a pu rencontrer des chasseurs d'appartements dans des zones géographiques différentes, loin de chez toi par exemple. Et là, tu vas pouvoir commencer à aller investir loin de chez toi en activant un réseau. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui lancent des réseaux à travers la France de chasseurs d'appartements. Et ces gens-là, c'est des vrais investisseurs immobiliers. Là, c'est avec cela que tu peux travailler et que tu peux faire des choses vraiment intéressantes, vraiment rentables. Mais les premiers investissements, je te conseille de les faire proche de chez toi. Parce qu'en même temps, tu fais de l'investissement et c'est tes travaux pratiques, tes TP, comme à l'école. Okay, tu as la théorie, donc par exemple, tu vas prendre une formation, tu vas rejoindre un club privé. Ça, c'est entre guillemets, la théorie. Le club privé, c'est un peu plus théorie mise en pratique. Et derrière, tu fais vraiment ton TP, c'est d'aller visiter, d'aller te faire la main. Une fois que tu as fait tout ça, tu as validé, entre guillemets, ton premier cycle dans l'investissement immobilier. Là, tu peux passer à la vitesse supérieure en allant déléguer à plusieurs personnes pour pouvoir augmenter les chances de trouver les bonnes affaires, d'augmenter ton cash flow, etc. Donc pour résumer, comment choisir la ville où investir? Numéro 1, pour les premiers investissements, plutôt proche de chez soi. Et quand on en a fait quelques-uns, là, on peut commencer avec son réseau à se constituer un réseau pour aller investir plus loin dans des zones différentes où on va avoir bien évidemment fait une étude de marché et vu que la rentabilité était très intéressante. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésite pas à me mettre un gros like, à partager la chaîne Esprit Gagnant à des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier. Laisse-moi un commentaire. Cela me permettra de remonter dans le moteur de recherche et tout simplement de faire connaître au plus grand nombre que j'existe. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'est du contenu totalement gratuit. D'ici là, je te dis porte-toi bien et surtout passe à l'action. À très bientôt. Ciao, ciao!